peu les filles. Allez, on va arriver. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. RIG sur la FM 90.7 et sur internet rigfm.fr. Et sinon, après, vous pouvez écouter cette émission sur d'autres stations, hein, mais voilà, je vous ai mis sur le groupe Facebook Johnny de A à Z toutes les stations radio auxquelles vous pouvez écouter cette émission Johnny de A à Z sur RIG, bien entendu. J'espère que tout le monde va bien, que voilà, l'année se débute très bien ce mois de janvier. Ben écoutez, ce qu'on va faire pour cette émission Johnny de A à Z, la 563e, on va faire un album de la semaine qui est l'album Derrière l'amour. Alors cet album est sorti le 23 juin 1976. On va retrouver au cours de cette émission donc des extraits de l'album donc Derrière l'amour. On va écouter tous les titres de cet album là. On va écouter donc la plupart seront extraits du livre disque de 2016 Derrière l'amour, donc la version deluxe. On écoutera Le Palais des Sports 1976 et il y aura aussi beaucoup intervention de Johnny Hallyday, aussi bien à la télévision qu'à la radio. On va parler un peu de cet album de la semaine, Derrière l'amour, donc sorti le 23 juin 1976. Romance, rock'n'roll, nous abordons l'année 76, une année qui raconte l'histoire d'un album pas comme les autres. Un album qui paraît alors que se profile à l'horizon la vague du disco. Un album coincé entre deux autres 33 tours que tout oppose. Le premier, La Ta Promise, a les pieds dans la glaise des grands espaces américains du Tennessee. Le deuxième est un huis clos. Il se passe entre les tours Château Elsener et s'appelle Hamlet. Le héros y vit une passion de feu et de fer. Cet album atypique, pris au piège entre ces deux 33 tours, est aussi antagoniste que possible. Et il s'appelle donc Derrière l'amour. Il rompt en partie avec tout ce qu'on savait du rocker. De Johnny, le rocker, le fan d'Elvis, l'amateur de blues converti à la country, l'habitué des accords style Nashville et du son à l'anglaise tel qu'il aime l'entendre du côté de l'Olympic Sound, fameux studio de Londres. Et ici, rien de tel. Nous sommes ici donc dans le Homemade Recording, chanson maison mise en place en région parisienne. Et aux commandes des auteurs qui font la modernité de la chanson française de l'époque, à commencer par le compositeur Jacques Revaux. Revaux, Johnny a travaillé avec lui dès le milieu des années 60. On lui doit La fille à qui je pense, Mon fils, qui ont été des succès à l'époque. Mais son fameux, comme d'habitude, et sa collaboration avec Michel Sardou, tous les tubes des chanteurs, mais aussi la fondation même de sa maison de disques, l'ont rendu incontournable pour qui veut enregistrer un album à Paris. Et les sessions d'enregistrement ont débuté en novembre 1975 et se sont terminées fin mai 1976 au studio 92 de Boulogne-Billancourt. Et le premier titre de l'album de la semaine, Le jour J, l'heure H, ce titre avait eu l'insigne honneur d'une transposition scénique. Johnny avait imaginé ce morceau comme chanson d'ouverture du spectacle du Palais des Sports. L'idée de dérouler une story de la carrière de l'artiste qui lui a subsisté d'Underground Run dans la dernière ligne droite. On l'écoute tout de suite. Voici Johnny Hallyday dans l'émission Johnny de la Z sur RIG. Bonne écoute à toutes et à tous et bonne émission. Voici Le jour J et l'heure H. Je le saurai dans peu de temps. Mon destin. destin commence à présent. C'est mon jour, c'est mon tour, c'est à moi, cette fois, et j'y crois. Oh, c'est le jour, J, et c'est l'heure, H. Toute ma vie se met en marche. Oh, et c'est le jour, J, et c'est l'heure. J'essaierai d'être un homme honnête et ne rien faire que l'on regrette. C'est mon jour, c'est mon tour, c'est à moi, cette fois, et j'y crois. Oh, oui, c'est le jour, J, et c'est l'heure, H. Toute ma vie se met en marche. Oh, oui, c'est le jour, J, et c'est l'heure. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Voici Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1976. Bonsoir. Comment ça va ce soir? Oui, oui, oui. L'année dernière, quand j'avais décidé de quitter la scène et que j'avais décidé de partir assez loin, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi. Et la deuxième, c'est que vous commenciez très sérieusement à me manquer. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime,

Johnny faisait ses adieux à 32 ans, mais le virus de la scène aura été plus fort que les résolutions prises sur un coup de cafard. En effet, du 28 septembre au 31 octobre, Johnny fait sa rentrée parisienne au Palais des Sports pour le show Johnny Story, un triomphe. 200 000 spectateurs au rendez-vous de ce spectacle où, pour la première fois, l'artiste assure la totalité de la soirée. 3 heures de show, deux parties bien distinctes, l'une consacrée aux 60s et l'autre aux années 70. Et pour la première fois, Johnny fait appel à l'éclairagiste Jacques Rouvérolis, qui utilise une nouvelle technologie, le laser. Et ce show en deux parties totalement différentes aura une prospérité. On retrouvera ce concept en 1979, en 1982 et dans une moindre mesure en 1984 au Zénith. Mais revenons à l'album de la semaine qui est Derrière l'amour, sorti le 23 juin 1976. Le deuxième extrait que nous allons écouter de l'album, c'est le titre Merci. Ce titre est arrangé avec brio par Benoît Kaufmann. Ce titre d'inspiration très country a été composé par le même auteur Tom Jones que l'excellent J'ai pleuré sur ma guitare paru 2 ans plus tôt. Simplement te dire merci. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi, dans l'émission Johnny de A à Z, de 22h jusqu'à minuit. À l'instant, le titre Merci, extrait de l'album de la semaine, Derrière l'amour. Et on va écouter Johnny Hallyday parler sur des plateaux de télévision ou à la rigueur sur des plateaux de radio. C'était le cas le 24 février 1976 dans le journal de 20h sur TF1. Le chanteur s'explique sur les accusations de fraude fiscale portées contre lui. Johnny Hallyday, après d'autres vedettes de la chanson, vient d'être inculpé de fraude fiscale. Tout le monde le sait maintenant. Johnny Hallyday est donc entré au hit parade des redressements d'impôts après Johnny Stark, Michel Polnareff, Claude François, Charles Aznavour, Madame Soleil, etc. La Direction générale des impôts reproche à Johnny d'avoir dissimulé 4 millions de francs de revenus pour les années 71-72. Un litige qui porte non pas sur les disques ou les droits d'auteur, mais sur les galas publics, sur le nombre de ces galas. Il en aurait déclaré 80, il en aurait fait 200. Johnny n'est pas d'accord sur ces chiffres. C'est vrai qu'il laisse à ses comptables le soin de faire ses déclarations d'impôts, mais il n'a pas fraudé le fisc. Il le dit bien haut, avant d'en faire une chanson, peut-être. Johnny, vous voilà inculpé pour fraude fiscale. Comment avez-vous ressenti cette accusation ? Eh bien, disons que je ne suis pas très surpris, puisque j'étais plus ou moins au courant, puisque je suis revenu de Los Angeles, Californie, spécialement pour ça. Vous n'avez rien à vous reprocher envers l'État ? Non. Et ce que je veux arriver à prouver et à leur démontrer, c'est que sur les 200 ou 250 galas qu'on me reproche d'avoir fait, il y en a plus de 100 qui ont été annulés. J'ai chanté pendant le Johnny Circus, j'ai chanté quasiment gratuitement parce que le circus était en déficit. Sur des galas qu'on me reproche, ils ont été annulés. On en reproche aux mêmes dates, le même jour, un à Rio, un autre à Téhéran, ce qui est impossible à faire dans la même journée. Tout ça est assez incontrôlable. Sur 12 galas en Italie, j'en ai fait 5. Est-ce que comme Polnareff et comme Aznavour, vous avez l'intention de vous en aller, de partir, vous installer ailleurs ? Ça ne change rien, de toute façon, dans mes décisions. J'ai toujours dit que je resterai un an aux États-Unis pour faire ce que j'ai à faire, et je reviendrai chanter en France au Palais des Sports au mois de septembre. Mais j'ai aucune intention de vivre aux États-Unis, je suis français. Et bien voilà qui va rassurer tous les amis et tous les fans, comme on dit, de Johnny Hallyday. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live au Palais des Sports de Paris avec Requiem pour un fou. Je vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou bateau, je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas le cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais pas d'amour. Elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche, ma vie. Qu'il me Le jour se lève, la nuit pâlit. Les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir quand les volets. Crevez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou, oh, un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux. Ma vie, c'était son corps, son corps. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Je ne suis qu'un fou, un fou d'amour, un pauvre. Je n'ai pas des sports 1976. En s'appuyant sur le disque Derrière l'amour, John Hallyday s'offre un grand rendez-vous avec une variété rock à la française dont il va définitivement fixer les règles. Ça commence comme une saga américaine, un peu indécise, et ça se termine sur un happy end à la française tout à fait réussi. En 1975, Johnny Hallyday en a marre. Hein. Trop de tracasseries de la part de la presse, sans doute, trop de déceptions et surtout une pression fiscale jugée inacceptable. L'artiste jette l'éponge et décide de quitter la terre nourricière pour se réfugié aux États-Unis. Et puis, très vite, on croit comprendre que la France lui manque. Les USA, ça va bien un moment, mais une fois qu'on s'est ressourcé, que faire loin des copains, loin du public, sans but et sans projet? Le chanteur s'est fait peur avec cette retraite américaine anticipée, et c'est un album exorcisme, un album douillet, un album français qui va maintenant le mobiliser. Pour une fois, on ne va pas faire les guitares à Londres, les chœurs à Los Angeles et les cuivres au Michael Shoals. On va plus simplement s'enfermer dans une nouvelle équipe et travailler en entre soi, au studio 92 à Boulogne-Billancourt. « Je ne me sens bien nulle part », explique Johnny au quotidien France Soir. « À l'époque, alors je vais rechanter en France. CQFD serait-on tenté de conclure ? Parce qu'en France, il y a des scènes et que sur scène s'accomplit le mystère Hallyday. » C'est donc un chanteur ragaillardi qui s'engage dans un projet d'enregistrement qui veut repousser les murs, qui veut qu'on entende le rocker au-delà du rock'n'roll dans d'autres styles, avec d'autres auteurs et d'autres compositions. Dans cette direction musicale hexagonale, on a bientôt des nouvelles et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rocker ne rate pas son coup. Requiem pour un fou, le jour de sa sortie, est un véritable feu d'artifice radiophonique. Immédiatement, le titre s'empare des ondes et l'on sait en quelques jours que l'on tient là quelque chose d'énorme. Nous sommes en février 1976 et ce Requiem sauvage se hisse impitoyablement en tête des ventes. Le single, au final, s'écoulera à 600 000 exemplaires. Tube de l'hiver qui sera aussi un hit de l'été. À l'origine de la chanson, c'est le parolier Gilles Thibault, cet ancien trompettiste de jazz qui a écrit « Que je t'aime pour l'idole » et comme d'habitude pour Claude François. Cet homme discret, très littéraire, est aussi un fou de cinéma. Il a gardé une forte impression d'un grand classique de 1932, Scarface, Shame of a Nation. On retrouve un autre extrait de l'album de la semaine. Voici « Le ghetto ». Ghetto, une prison dès le berceau, où les hommes comme des chiens se tuent pour des mots ou du pain. L'enfer est sûrement plus beau que le ruisseau. D'un ghetto, oh, d'un ghetto. tout est privé ou interdit. Les barbelés sont le décor de mes amours et de ma mort. L'enfer est sûrement plus beau que les buildings. Nous sommes à présent le 22 mai 1976 et Johnny est présent dans l'émission de Daniel Gilbert, Midi Première, et parle de sa nouvelle passion, le full contact. Monsieur, bonjour et bienvenue ici sous le soleil de Cannes. Décidément, je vous en parle beaucoup, mais il existe vraiment, il est là, une mer très bleue. Et puis surtout aujourd'hui, pour commencer cette émission, un sourire qui illumine l'antenne maintenant, c'est le sourire de Johnny Hallyday. Bonjour Johnny. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là parce que je sais que... Au préalable, eh bien, n'avait pas été prévu un voyage au Festival du cinéma à Cannes. Alors, il y a une raison particulière. Eh bien, oui, je suis venu surtout d'abord pour voir le film de Polanski. Oui. Et puis également pour présenter le combat qu'il y aura de Full Contact au mois de... Ce mois-ci d'ailleurs, mardi prochain. Mardi prochain, 21h au Palais des Sports à Paris. Alors il faut expliquer que finalement Johnny vient de se trouver un nouveau rôle, pas un rôle au cinéma, mais dans la vie, en somme producteur d'un spectacle sportif. Oui, enfin producteur, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que je produis le spectacle, c'est exact, mais j'ai surtout fait ça parce que c'est un nouveau sport qu'on ne connaît pas en France. Oui, le full contact, ça ressemble à quoi? Le full contact, c'est du karaté, c'est un mélange de karaté et de boxe française. La seule différence du karaté, qu'au full contact, les coups se portent vraiment. C'est-à-dire, c'est un combat au chaos. D'ailleurs, on va avoir une démonstration puisque nous avons deux de ces sportifs qui sont là. Alors, il y a Dominique Valera, qui lui a été 15 fois champion de France, 10 fois champion d'Europe, champion du monde par équipe. Il y a Bill Wallace, qui est américain, qui lui est champion du monde dans les poids moyens. Voilà, je vais être savante, moi, en sport. Bravo. Bravo. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est un sport qui est beaucoup plus dangereux. Et on donne de vrais coups, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est le masque, normalement, qui sert à l'entraînement pour pas qu'ils puissent se faire mal. Mais quand ils font les contacts en combat, ils se battent comme ça, mais torse nu. Oui, et ils se donnent de véritables coups. Ah oui, bien sûr, ça finit au chaos. Ça finit au chaos. Alors, je voudrais quand même savoir, Johnny, bon, tout le monde sait que tu es sportif, mais je voudrais savoir comment t'es venue l'idée d'organiser ce spectacle. Eh bien... Tu l'as découvert où, d'abord? Aux États-Unis. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souvent fait les voyages de Paris, Los Angeles, Los Angeles, Mexico City. On en a beaucoup parlé dans les journaux. C'était justement pour pouvoir organiser ce combat à Paris, ce qui était assez difficile parce qu'il y a 5 champions du monde américains et c'est très difficile de les réunir tous en même temps parce que normalement chacun d'eux combattent dans un endroit différent en Amérique. Ce sont les mieux payés, disons, d'Amérique et c'était très difficile de les organiser tous en même temps. Alors ça y est, ils sont tous là. Ils sont à Paris, ils sont en train de s'entraîner. Ils s'entraînent. Oui. Et simplement, nous en avons deux qui ont accepté de venir jusqu'à Cannes pour accompagner Johnny, pour venir vous rendre visite, amis de Midi Première, et j'espère que vous serez très nombreux au Palais des Sports mardi. Johnny, est-ce que vous avez déjà pratiqué le full contact? Non. Pas encore? Pas encore. On peut pas avoir un début, là, devant les caméras, non, Midi Première? Oh là là, non. Pas contre eux, en tout cas. Pas contre eux. En tout cas, là, pour l'instant, tout va bien. Je pense que c'est un petit peu difficile, non, de pratiquer là, ce sport sur la plage. C'est très difficile parce qu'il y a du sable, normalement, ça doit se pratiquer sur du dur. Oui. Et disons que ça ne leur facilite pas les mouvements. Johnny, on pourrait peut-être parler quand même un petit peu du cinéma après avoir parlé du sport. Et je rappelle donc ce grand gala de full contact au Palais des Sports, mardi soir à 21h à Paris. On pourrait parler un petit peu de cinéma aussi, puisqu'il y a le 30e Festival International de Cinéma qui se déroule en ce moment. Le cinéma, tu as eu des contacts avec lui. Les full contacts aussi, il y a eu le spécialiste. Oui. Mais là, pour l'instant, je fais autre chose. Oui. On peut dire, on peut parler, donner un nom. Oui, enfin, oui, je prépare mon palais des sports au mois de septembre. Oui. Et comme c'est à... ça y est. Ah là, je crois que les débuts vont quand même avoir lieu. Et ils sont terribles, hein, ils sont... Et comme c'est un spectacle que je fais pendant 2 heures sur scène, c'est assez long à préparer parce qu'il y aura des danseurs, des cascades de motos, des cascades de patins à roulettes. On prépare des... On prépare par exemple un ballet style rollerball et je veux dire c'est assez long à préparer. Oui, mais c'est une belle aventure chaque fois de préparer un grand spectacle. Oui, mais ça c'est une des raisons pour laquelle je ne travaille pas cet été, justement pour le préparer. Formidable, et c'est toujours la conscience professionnelle de Johnny et son talent. Alors on attend avec impatience ce spectacle au Palais des Sports. Je crois que vous vous connaissez, pas de combat entre vous. Hein? Bien connaissance. Le solitaire. Dis donc, Daniel, alors comme ça, on rencontre quelqu'un qui est violent, qui parle de violence et tout, et de sport violent. Alors du coup, on me dit plus bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Antoine. Alors là, ensemble... Salut mon frère. Ça va bien? Ça va bien? Donc, là, je rencontre un hippie ou un navigateur. Non, c'est pas un hippie, c'est un solitaire. C'est un solitaire. C'est un solitaire. Mais d'ailleurs, je sais que tu es invité quand tu veux, si tu as l'occasion On va essayer d'être solitaire ensemble. Quand tu as l'occasion de passer dans les régions où je suis en ce moment, je suis du côté des Antilles. Je suis en Guyane, là, pour l'instant. Oui, alors, tout de suite à Cannes, et lundi également. Pour l'instant, aujourd'hui à Cannes, oui. Je vous propose maintenant un extrait du film 1900, qui a été l'événement hier soir, la sélection officielle italienne. Un film, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, qui dure 5h20. Johnny, mille fois merci d'être venu jusqu'à Cannes nous rendre visite. Merci et à vous. Très bon gala mardi. À bientôt. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retour au Palais des Sports de Paris avec le titre « Derrière l'amour ». Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur. Et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour derrière ça? interdit d'aller voir. Donne-moi ton cœur. Pour y vivre et pour y mourir. J'ai besoin de tes mains sur moi et de ton souffle et de ta voix, de tes joies, de tes plaintes, de tes cris, de tes craintes. Derrière l'amour, qui évidemment qui est extrait de l'album de la semaine, Derrière l'amour, le titre éponyme. Et de ce nouvel album, on apprend par la suite à connaître cette chanson, Derrière l'amour. Encore une petite révolution dans la carrière du rocker. Le titre est à la base une romance à l'italienne, Dietro l'amore. Et c'est Pierre Delanoë, le parolier habituel de Gilbert Bécaud, qui signe ce texte plein de tendresse qui, en sortant le 9 juin 1976, s'assure haut la main la prééminence sur les slows de l'été et sera notamment plébiscité par le public féminin. Nouveau carton encore, un deuxième en quelques semaines, et Derrière l'amour est un des titres très latins de l'album qui porte d'ailleurs son nom. Il aurait pu ramener Johnny Hallyday dans le camp de la variété routinière de l'époque, mais pas du tout, car le rocker, dans les années suivantes, donnera à la chanson une véritable deuxième vie après l'avoir quasiment transformée en gospel. À présent, on va écouter Johnny Hallyday sur un plateau de radio. C'était le 15 juin 1976, Johnny fête son anniversaire, ses 33 ans, sur l'antenne de Europe 1, dans l'émission Tout peut arriver, présentée par Jean-Michel Des jeunes. Johnny y parle de ses amis, de Hamlet avec Pierre Groscola, de sa vie. Voici plusieurs extraits. Les 33 ans, ça ne gêne pas qu'on dise 33 ans, parce qu'il y a un moment où on se dit, tiens, on ne va plus dire l'âge. L'âge du Christ. C'est un bel âge, 33 ans, moi, je trouve. Hein, je trouve ça extra. Vraiment, 33, c'est bien. Enfin, bon. Non, merci, non, pas de champagne. Non, merci, non. Non, bon. Alors, je vous rappelle aussi, ou du moins, je vous annonce, que nous faisons une petite proposition aujourd'hui. C'est vous tous qui avez envie, ou vous toutes qui avez envie de souhaiter un bon anniversaire non, à Johnny Hallyday. J'ai pris du champagne. Tu l'as pris finalement. Je vais en prendre un peu aussi. Non, bah non, moi je buvais du Coca-Cola. Alors, pardon, encore une citation. C'est quoi? Du Coca-Cola. Whisky, menteur. Whisky, Coca-Cola. Voilà, c'est ça. Non, c'est deux citations. Trois citations. Non, c'est du Pepsi, c'était pas du Coca. On est mal parti avec la régie et tout. Bon, alors. Je disais à vous toutes et à vous tous qui avez... Moi, tu sais, du gin avec... Non, du gin avec du genie, c'est très bon. Ouais. Ah, ouais. Très bien. Ça y est, on va continuer à se manger. On peut citer tout, d'ailleurs, Saint-Zano, Martini, qu'est-ce qu'il y a encore? Ricard, oui. Ricard. Non, Casalis, c'est mieux, Casalis, c'est mieux. Il suffit de se mettre en tête tout le parcours des 24 heures du Mans, par exemple. Hein. Alors là, on pense à pas mal d'annonceurs. Et bon, donc, alors, vous pouvez aller vous faire peigner chez Carita, parce que c'est beaucoup mieux aussi. Ouais, ils sont pas sur les 24 heures. <tu vois. rire> Pierre Grosscola, je te présente, vous êtes... Oui, bon, on se connaît, on a travaillé deux mois ensemble. C'est la première fois que vous voyez et tout et tout. Fou, on a passé deux mois en studio ensemble. Ben oui. Même plus que ça d'ailleurs. Je vais poser un petit peu la même question qu'à Patrick tout à l'heure. Quelle est l'image que tu te fais, Pierre, de Johnny depuis un certain nombre d'années? Moi, ce qui me frappe le plus chez Johnny, c'est sa sensibilité. Ouais. Qui s'exerce comment à ton point de vue? Ben, sur des détails, des petites choses de rien du tout. Je crois que c'est ça qui font la personnalité d'un homme. Et comme le disait très justement Johnny, on a passé plusieurs mois en studio. Et il m'a montré par des petites choses que vraiment c'était quelqu'un de très sensible. Ouais. Et tu as un exemple en tête par exemple? Ben bien souvent, des petits détails, ne serait-ce que par exemple quand on est au bout d'une journée de travail, il est absolument branché sur ce qu'il doit chanter, sur ce qu'il doit faire, puis tout d'un coup il a les cas sur la tête, il me regarde, il fait un grand clin d'œil, ben ça, pour moi, ça compte énormément. C'est-à-dire que tu sens le courant qui passe à ce absolument, moment-là. Absolument, et c'est ce qui m'a choqué, parce qu'au début, je connaissais pas Johnny, et Johnny, pour moi, c'est quelqu'un de dur, de costaud, alors que je trouve, enfin, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de trouver qu'il avait du cœur. Mais il est côté star, quand même, un peu Johnny aussi. Il faut dire que la première, il faut attendre, parce que ça, il s'en rappelle peut-être plus, mais la première fois que j'ai rencontré Pierre Grosvenor, c'était quand même assez bizarre. Parce que ça faisait à peu près 5 ans que je travaillais sur Hamlet avec Gilles Thibault, qui en a écrit donc tous les textes. Ouais. Et on n'est jamais arrivé à trouver une musique qu'il fallait pour ça. Donc ça a traîné. Et puis finalement, on l'a laissé tomber 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y a Gilles Thibault qui me téléphone. J'étais très surpris parce que c'est... pour ceux qui ne connaissent pas Gilles Thibault, c'est quelqu'un qui téléphone très rarement, c'est quelqu'un qui est très renfermé. Et il m'a téléphoné en me disant, écoute, je t'invite à dîner. Là, j'étais encore plus surpris. Et il m'a dit, j'ai une surprise pour toi. Je dis, ah bon. Alors j'arrive à sa maison qu'il avait pour dîner. Et puis, il me présente Pierre Grosvenor. Et il me dit, alors voilà, on a quelque chose à te faire écouter. On va te faire écouter Hamlet, Philly. Surprise. Et finalement, j'ai écouté Hamlet, Philly. Et puis voilà comment on a décidé de le faire. Pierre Grosvenor se souvient bien je me rappelle très bien, c'était un soir de folie. Puis j'étais très intimidé, alors j'étais dans un coin, je faisais tourner mes magnétos, enfin mes trafics, parce que j'en avais 3 tonnes. Et j'avais très peur de la réaction de Johnny, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, on avait travaillé très longtemps. Il est intimidant, Johnny, quand on doit travailler avec lui ou quand on va travailler avec lui? C'est-à-dire quand on le connaît pas, oui, mais quand on le connaît, il y a toujours cette espèce... Moi, ce que je trouve fantastique, je reviens toujours sur le côté sensibilité, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Bon anniversaire, Johnny. Johnny. Il y a un morceau de chèvre aussi. qui a envie d'un peu de fromage. Hein? Je dis, t'as envie d'un peu de fromage, parce qu'on t'entend dire, et puis un petit peu de chèvre aussi. Dis-moi, alors tu vas me présenter ce monsieur qui a un grand chapeau, là. On parlait des fidèles à l'instant, alors lui, s'il y en a un, c'est vraiment celui-là, non? Ben oui, je vous présente Christian Blondiot, ouais. Alias Long Chris. Long Chris, alors la rencontre... Alias le cowboy solitaire. La rencontre date d'un petit moment, quand même. Ah oui, Long Chris et moi, on se connaît depuis le Golf Draw, c'est-à-dire ça fait au moins 18 ans maintenant. Ouais. Tu te souviens du premier moment où tu as vu Long Chris, où vous êtes... rencontré dans le regard ou dans la musique? On s'est pas rencontré au Golf Draw. On s'est rencontré à la patinoire Saint-Didier à l'époque où on allait faire du patin à tous les deux. Et ensuite, on s'est retrouvé au Golf Draw. Ensuite, Chris m'a écrit des paroles de chansons. Il en écrit toujours d'ailleurs. Il a chanté. Il est devenu antiquaire maintenant, antiquaire d'armes. Vous êtes antiquaire, cher ami. Oui, au village suisse, merci, au Képi Rouge, dans des magasins. Qu'est-ce qu'on fait comme pub aujourd'hui, ouais. Et Long Chris a été un des premiers fumeurs de hashish en France. Ah, quand même, ouais. Tu dis ça à la radio. Est-ce qu'il sera l'un des derniers? Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est pas vrai. C'est... Menteur. Tout ça est complètement faux, bien sûr. On n'est pas obligé de vivre ces chansons. Non, tout ça... Hashish. Alors, il n'est pas content en plus de réécouter sa chanson. Alors, vraiment, je trouve ça scandaleux. C'est vraiment parce que c'est l'anniversaire de Johnny. Ouais. Il revient pas. Ouais. Il a perdu l'habitude de parler devant un micro en plus parce qu'il est à 3 mètres là, c'est pas bien. Je répète. Non, attendez quand même. Alors je vous rappelle, je dis ça parce qu'on vient d'entendre un bouchon de champagne qui vient de sauter. Je vous rappelle qu'on est à la campagne ici à Feucherolles, au Clos Saint-Antoine, pour fêter l'anniversaire de Johnny Hallyday. Et alors c'est le moment habituel. Mais il est un peu kitsch hein, notre gâteau là. Il y a plein de guitares partout. Il y a des guitares partout. Alors voici le moment de la guitare. Mais est-ce qu'on peut souffler? Non, il y a trop de vent là. On n'allume même pas le gâteau. Moi je veux bien souffler, mais il n'y a plus de bougies allumées. Je trouve ça scandaleux parce qu'il y a 33 bougies et il n'y en a aucune d'allumée. Voilà, maintenant ça commence à s'allumer. qui va avoir du mal, Johnny, tu sais, à souffler tout ça parce qu'elles sont en rond. De droite et de gauche. On va peut-être l'aider. Hein, hein. Alors moi, je trouve que ça serait bien si Nicoletta, si Johnny, si Pierre Billon, si Groscola, si tout le monde venait faire un tour pour aider Johnny à souffler tout ça, parce que c'est en rond complètement. Alors, comment peut-on faire, hein? Du coup, c'est pas ça. Ah, nos amis photographes, bien sûr, sont là, c'est normal. Salut, Polo. Bon, alors, moralement, tout le monde se fait la bise, et puis même physiquement. 3, 4, happy birthday. Bon, quand même, c'est mal. Gérard Lenormand va aider également à souffler. Oui. Il y en a eu encore, il y en a reçu. Allez, allez. 3, 4. Non, ça s'est très bien passé. Il y avait Nicoletta, il y avait Gérard. On avait une bougie chacun. Alors maintenant, il va falloir manger tout ça. Hein. Et le découper. Voilà, bon, bah, c'était le petit moment. Je vous passe les détails parce que maintenant, effectivement, il va falloir le manger. Voilà, tout peut arriver, fin un peu de Johnny, c'est-à-dire fin de la première partie de l'anniversaire, parce que ça va forcément se poursuivre un petit peu avec tous les amis qui sont venus te rejoindre là. Je crois qu'il y a, il y a pas mal de télégrammes qui arrivent en ce moment. Oui, là. Justement, avant de quitter tout le monde, je voudrais remercier tous les gens qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des télégrammes à Europe numéro 1. J'aimerais également remercier toute l'équipe de l'Europe numéro 1 de m'avoir fait un si gentil anniversaire. Et puis, ma foi, merci à tous d'être venus, nous avoir écoutés. Alors, permets-moi, je serai peut-être le dernier à te dire bon anniversaire, bon 33 ans. C'est la meilleure année, tu sais, les 33 ans. Hein. Oui, l'âge du Christ. Il ouais, y en a qu'un qui l'a loupé, c'est lui. C'est la meilleure. Salut, Johnny. Au revoir. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Mon père eut un doute sur ma naissance. Ma naissance me laissa sur la route qui conduit à la malchance. À la malchance. Moi je suis l'étranger depuis le jour où je suis né. Je suis né. J'ai sauté un mur une nuit pour emprunter une moto, et quand les flics m'ont poursuivi, ils n'ont jamais vu que mon dos, mais que mon dos, car je suis l'étranger, c'est pour m'enfuir que je suis né. Cherche mon père pour savoir comment je m'appelle. Enfuyant la misère, sur les pierres j'ai usé mes semelles. Moi je suis l'étranger, je cherche cette ville où je suis né. Où je suis né. La peau, oui, ne garde pas l'espoir de me voir avant longtemps, avant longtemps. Moi je suis l'étranger, ce n'est pas pour toi que je suis né. Je recherche mon père pour savoir comment je m'appelle. Cherche cette ville où je suis né. Je suis l'étranger. Je suis l'étranger. Je suis l'étranger, moi. Je suis l'étranger. Je suis l'étranger. L'étranger. L'étranger. titre, extrait de l'album de la semaine derrière l'amour, c'est L'étranger, interprété à l'origine par le grand chanteur de country Waylon Jennings sous le titre Rambling Man. La chanson est adaptée par Long Chris. Elle colle admirablement au personnage de rebelle, d'étranger, toujours en mouvement, qu'est Johnny. À présent, un autre extrait de télévision que nous allons écouter, c'était le 25 septembre 1976 dans le journal de 20h sur TF1, un reportage qui montre le chanteur en répétition de son spectacle et Johnny disait « Je me suis aperçu que je m'ennuyais loin de la scène. » On écoute ça tout de suite. C'est Antoine Erigé. Je crois qu'on est toujours seul. Dans un palais des sports encore désert, Johnny Hallyday n'en prépare pas moins une rentrée fracassante après 5 ans d'absence sur une scène parisienne. La plupart du temps, j'ai passé des vacances. J'étais à la pêche aux requins. C'est à la mode. Et finalement, je me suis aperçu que je m'ennuyais énormément loin de la scène et que il valait mieux que... La vie est trop courte pour s'ennuyer, il valait mieux que je retourne sur scène. Et j'ai choisi Paris, évidemment le Palais des Sports, pour faire ma rentrée. Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Ne me parlez plus d'amour. J'ai peur de ne plus y croire. J'ai pris un chorégraphe qui s'appelle Joseph Smith, qui avait déjà travaillé avec ma femme, avec Sylvie, à l'Olympia en 1900, je crois, c'était 70. Et ce qu'il avait fait m'avait plu, et je l'ai rencontré donc évidemment en Amérique, et je lui ai demandé de s'occuper de toute la partie chorégraphie du spectacle. Looks good, but don't ask me to do it. C'est bon, mais ne me demandez pas de le faire. Yeah! Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de bonheur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Et je veux te prêter en ton bain de la voix la. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Toute l'équipe Hallyday, ça représente combien de personnes à peu près? À peu près 80 personnes à peu près. 80 personnes. Et un show comme ça, ça coûte combien? Oh, ça coûte dans les 400 millions, ça. C'est une belle somme d'argent. Mais on verra si je suis encore plus ruiné après ou pas. Ça va, Johnny Hallyday a pas de problème d'argent. Comme tout le monde. Pas plus que les autres. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ce show avec optimisme? Oui, bien sûr. C'est un spectacle, c'est un spectacle. On est là pour s'amuser, on est là pour distraire les gens. Ça n'empêche pas que je meure de trac, mais il faut avoir le trac.

de rock'n'roll pour moi un hit anglo-saxon du groupe Smokey, acteur méritant de la scène dite glam. Don't Play Your Rock'n'Roll to Me à la base est produit par une vieille connaissance de Johnny puisqu'il s'agit de Mickey Most, le manager des Animals qui à ce titre a contribué à l'élaboration de leur version de House of the Rising Sun, futur pénitencier en français. Et de cette chanson, 13 années 50, fondée sur un des rythmes favoris d'Elvis Presley, Johnny Hallyday fait un standard immédiat et, il faut bien le dire, un chef-d'œuvre. Le texte de l'oncle Chris y est évidemment pour beaucoup. Cette lettre de rupture implacable qui crisse aux oreilles comme un vieux 45 tours usé a souvent été reprise en concert par l'artiste. Et quand le rocker en a donné une version unplug acoustique à Bercy en 1995, alors on a bien vu qu'il s'agissait pour lui d'un vrai classique du rock'n'roll comme il les a toujours aimés. Et ce titre eut un énorme succès radio. Un autre titre de l'album de la semaine derrière l'amour, voici Les Chiens de Paille. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Depuis 1800 quelque chose, il n'avait pas fait aussi chaud. Le chien dormait vers la rivière, la porte n'était pas fermée. Elle était seule dans la maison, il faisait lourd, il faisait chaud. Elle était seule dans la maison, elle a ouvert, ils ont frappé. Elle n'avait, ce n'est pas un crime qu'une robe entre eux et sa peau. Elle a crié, ils ont frappé. Elle a griffé, ils ont cogné. Elle était seule dans la maison, elle avait peur, ils étaient faux. Au cœur, tes chiens de paille. Dans mes doigts, ils ont mis la mort. Tes chiens de paille. Je les mettrai à feu, à sang. Tes chiens de paille. Elle était seule dans la maison d'une fauche, ils l'ont bâillonnée. Sa robe voulait résister, de mille mains ils l'ont déchirée. De tout son cœur elle a lutté, mais son corps n'a pas résisté. Elle était seule dans la maison, elle a dit oui, elle a crié. La rage au cœur, ces chiens de paille. Dans mes doigts, ils ont mis la mort. Ces chiens de paille. Je les mettrai à feu, à sang. Ces chiens de paille. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Depuis 1800 quelque chose, il n'avait pas fait aussi chaud. Moi je voguais sur mes rivières, je n'aurais pas dû la laisser. Elle était seule dans la maison, elle était seule, seule un peu trop. Ils m'ont donné la rage au cœur, ces chiens de paille. Dans mes doigts, ils ont mis la mort, ces chiens de paille. Je les mettrai à feu, à sang, ces chiens de paille. Ces chiens de paille. Ces chiens de paille, ces chiens de paille, ces chiens de paille. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live, Paris Sport 76 avec La Bagarre. Cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et j'aime pas beaucoup comment on montre. J'avoue que la bagarre ne suis pas contre, ça me fait pas peur. Je dirais même que j'aime frapper. C'est un plaisir. D'accord les gars, je vais vous soigner. Si c'est pas pour la bagarre, alors c'est elle que vous voulez. Si vous voulez la voir, faudra venir la chercher. Mais d'abord, faudra passer par moi. Je vous prends un par un, ou bien tous les cinq à la fois. Ça me fait pas peur. Je dirais même que j'aime cogner. Oui, oui, c'est un plaisir. D'accord les gars, ah, je vais vous soigner. Scène de bagarre sur la scène du Palais des Sports en 1976 et en relation avec ce titre, le à la bagarre, nous allons écouter un reportage de télévision. C'était le 29 septembre 1976 où Johnny est sur son reportage de Johnny sur son Palais des Sports, donc pendant l'entracte du show Hallyday. France Roche au Palais des Sports. Pourquoi le Palais des Sports? Parce que Johnny Hallyday fait sa rentrée et qu'il nous a semblé bon que vous y assistiez. C'est un des événements dans lequel ce magazine veut vous faire pénétrer. France, non, non. Alors si France n'est pas là, peut-être que là, j'aurai Johnny. Merci. Si vous avez le micro, vous m'entendez aussi. Je ne vous entends pas, Jean-Marie, mais nous sommes au Palais des Sports où Johnny Hallyday vient d'avoir un petit accident pendant la bagarre qui devait terminer la première partie. Il a reçu un nouveau coup sur le nez qui avait été cassé récemment pendant les répétitions et maintenant vient d'appeler le docteur pour le soigner. Je crois que la soirée va quand même continuer. Oui, il y a de l'information à tout moment dans C'est-à-dire. Nous entrons. Oui. Où est Johnny? Où est Johnny Hallyday? Je n'ai pas le son avec vous. Voilà, ça y est maintenant. Voilà, je voudrais, France, que le caméraman essaie de nous emmener, s'il veut bien, notre confrère. Eh bien chez... voilà, on est en train de masser Johnny Hallyday, bon, qui vient de terminer la première partie. Dites-moi, mais c'est comme Cassius Clay Norton, à ce que je vois. Ben, presque. Est-ce que Johnny a la possibilité de parler? Ça me surprendrait. Voilà. Oui? Si, ça va. Bien, vous m'entendez, là? Je vous entends très bien. Bien, dites-moi, depuis quand vos fans éprouvent-ils le besoin d'enrober leur joie dans des bouteilles pour vous les mettre sur le nez? Qu'est-ce qui se passe, là? Dans des bouteilles? Non, c'est quoi, ce coup que vous venez de prendre? Ah non, ce ne sont pas des fans. C'est une bagarre qui est réglée avec des cascadeurs de cinéma. Ah, c'est une vraie bagarre. Enfin, disons que c'est une fausse bagarre, mimée en vrai. C'est bien ça, j'ai l'air parfaitement ridicule. Enfin, de temps en temps, c'est... De temps en temps seulement, c'est vrai, comme ce soir, j'ai reçu un coup de pied en plein dans la mâchoire. Bon. Alors, plus fermer la bouche. Bon, il y a deux choses. Je vais vous demander d'essayer de tourner la tête si les mains de votre masseur vous le permettent vers nous, qu'on voit un peu votre visage. Et vous demander de nous dire un peu comment est organisé votre tour de chant, votre récital, Johnny Hallyday. Eh bien, en première partie, ce qu'on vient de terminer, il y a les anciennes chansons. Enfin, il y a les chansons entre 62 et 1967 ou 8. Oui. En deuxième partie, ça continue avec des chansons de 68 à 76. Johnny Hallyday, lorsqu'on vous voit sur scène, on comprend qu'on vous retrouve dans cet état-là à l'entracte parce que ça remue énormément, ça déménage, comme on dit, dans votre métier. Moi, je voudrais savoir si vous avez envie d'accentuer de plus en plus ce côté sportif, au contraire de retrouver peut-être un côté symphonique, musical, et donc peut-être un peu plus soft, un peu plus doux. Alors, il y aura des chansons, disons, plus sentimentales, ou plus soft, ou plus douces, comme vous dites. Dans la deuxième partie, ouais. Il y aura également du rock'n'roll, mais il y aura également des chansons, disons, ouais. plus tendres. Bon, comme c'est une émission d'information avant tout, j'aimerais savoir combien peut coûter l'organisation d'un tel spectacle. Parce que j'ai lu quelque part que vous vous ruiniez à monter sur scène, c'est-à-dire que ça vous coûtait énormément d'argent à faire des récitals de ce genre. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, disons que le spectacle revient aux alentours de 400 millions. Il y a en 5 semaines, c'est-à-dire 36 représentations... on ne peut malheureusement pas dépasser les 5 semaines parce que il y a d'autres spectacles qui doivent passer après nous. En étant plein tous les soirs, de toute façon, on ne peut pas, c'est impossible, arriver à faire 400 millions. C'est-à-dire que si c'est plein, on ne peut pas rentrer plus de gens que ça ne contient. Oui, mais alors, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre de choses? Je veux dire, c'est une nécessité industrielle que de se montrer au Palais des Sports et ça fait vendre du disque, ou bien c'est votre goût du show, de la performance? Écoutez, malheureusement, ma maison de disques ne me paye pas plus pour ça. Oui. Il y a plein de gens mal éduqués, j'en suis sûr. C'est pas pour vendre plus de disques, étant donné que les impôts me prennent tout. Disons, j'ai saisi sur mes disques, donc que j'en vende ou que j'en vende pas, c'est pas ça qui me ramène de l'argent. Oui. Vous participez au redressement du plan anti-inflation, alors? Disons, je fais partie d'une des personnes, disons, qui est en vue, quoi. Oui. Dans le collimateur, c'est exact, merci. Ouais. Et puis, non, je fais surtout ça pour mon plaisir personnel. Je fais ça pour... Également parce que ça fait un an que je n'avais pas chanté et que j'avais envie de faire un show un peu différent. Et je voulais faire public au public qui, disons, qui allait venir pendant ces 5 semaines. Oui, Johnny, vous avez la conscience d'être ce qu'on appelle un peu bêtement d'ailleurs, mais on n'a que les mots pour s'exprimer, un mythe et d'une certaine façon, une sorte de James Dean du rock'n'roll. Écoutez, si un jour on peut me dire, on m'a tout dit dans ma vie, oui. C'est une bête de scène, oui. C'est James Dean du rock'n'roll. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on dise que, surtout que je suis Johnny Hallyday. Oui, ben, je vous dirais même, là, dans les temps où je vous vois, le roi est nu et c'est Jean-Philippe Smet que je vois, c'est ça? C'est exact. Oui. Bien, juste pour rester un petit peu informatif, qu'est-ce qui va se passer dans la carrière de Johnny Hallyday après le Palais des Sports? Mais après le Palais des Sports, on entreprend une tournée de 2 mois et demi en France, en province. Ensuite, je crois que dans les projets, c'est qu'on parte à l'étranger, en Allemagne, en Afrique, au Brésil, en Amérique du Sud, pendant une tournée de 3 à 4 mois. Bien, je vous laisse un peu tranquille et je voudrais vous remercier d'avoir la gentillesse de nous accepter là. Ainsi que France, dans le moment où vous avez peut-être le plus besoin de repos. Tout à l'heure, France, on retrouve Johnny à la fin de cette émission pour une chanson, c'est ça? Oui, on va le retrouver dans une de ses nouvelles chansons, parce que la première partie, c'était Johnny d'hier, et maintenant, c'est la partie Johnny d'aujourd'hui, où m'a dit le réalisateur Bernard Lyon, ça ne sera plus le Johnny voyou, ça sera le Johnny superstar. Johnny superstar. Avec des rayons laser. Oui, France, vous voulez me rendre un service? Oui. Bon, j'aimerais savoir, parce que j'ai toujours, quand j'étais gosse, je me demandais ce qu'on pouvait écrire sur un télégramme qu'on envoyait à une vedette avec un grand V. Alors, il y a plein de télégrammes derrière vous. Soyez un peu indiscrète, France, et lisez-nous quelques télégrammes. Dès que tu vois l'ouverture, cogne de toutes tes forces avec toi, Alain Barrière. Une bête. Il y a un très joli dessin signé David. Oui. Il y a « Je souhaite tout le bonheur que tu mérites, pense très fort à toi, Vic Taylor ». Oui. Il faut dire que David, c'est... C'est Hallyday. David Smet. C'est Hallyday Junior. Alors, si la caméra peut le voir, on voit comment David voit son père. Ah oui, avec un ça. Micro à la main. C'est montre... ici. Oui. Voyez, on voit Johnny Hallyday là, noir et or, avec des guitaristes. C'est très bien dessiné. Je crois que David Smet a des dons pour la peinture. Bon. Bah, écoutez, on va laisser Johnny vraiment tranquille, parce que je crois que ça n'est pas exactement ce dont on peut rêver, une interview dans un entracte. Merci. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Eh oui, nous on enchaîne sur Johnny Hallyday en live au Palais des Sports en 1976, dans cette seconde partie justement plus soft et rock en même temps, avec la rutilante Gabrielle. Oh, oui. Je crois que le moment est venu de vous parler. D'une certaine fille. Qui a troublé ma raison. Elle a volé mon cœur. D'ailleurs, cette fille, vous la connaissez très bien. Vous la connaissez même très très bien. Comment elle s'appelle ? Vous savez comment elle s'appelle ? Daniel ? Oh ! Gabriel ! Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient grand mon espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux t'expliquer, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Je veux t'approcher, mais tu fonds, fonds et le jour et la nuit. Oh, fini, fini pour moi. Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Genre de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forfait de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forfait de l'amour. J'ai refusé. Oui. Gabriel. Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et l'enfer vient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux t'expliquer, tu confonds et le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Que tu me répètes. Je ne serai plus esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, fatale de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, fatale. de l'amour. J'ai refusé tous les amours enchaînés. J'ai refusé pour rien d'amour enchaîné. Pour rien d'amour enchaîné. Ah, Johnny n'est pas au point encore sur ce titre-là, Gabriel. Et quoi de plus LD1, puisqu'on l'a écouté, que la piaffante et rutilante Gabriel. L'ensemble est si très sautant qu'on en oublie que le texte de Long Chris décrit une féline qui a su tisser une sorte de toile amoureuse sertie de chaînes à la manière de la plus carnivore des mygales. Là encore, la plume saillante de Long Chris fait de ce King is Dead, tel est le titre original de la chanson, un nouvel épisode de la lutte vorace qui oppose les sexes, le tout saupoudré par une belle dose d'humour. À l'origine, c'est l'équipe au grand complet de ce qui se mobilise pour mettre la main sur ce petit bijou. Et c'est un musicien de la bande qui tombe sur ce titre à Londres et le ramène à Paris alors qu'il n'a pas encore été enregistré. Au début, personne n'est très enthousiaste, mais au fur et à mesure, la chanson, si on peut dire, se hallidéise. D'abord, grâce à ce texte où l'amant prisonnier finit par retrouver la liberté après 10 ans de lutte. Ensuite, par la magie de l'orchestration qui ouvre et ferme l'accompagnement musical sur le martèlement des percussions. On sent Johnny très heureux de tenir tête à cette femme maîtresse et prendre un réel plaisir durant l'enregistrement. Et l'on se souvient que sur scène, il marquera Gabriel d'une des gestuelles les plus personnelles qu'il ait inventées dans ces années-là. Les fameux poignets enchaînés qui lui barrent le visage et qui offrent au projecteur et dessinent sur lui l'ombre d'une croix. Le prochain titre qu'on va écouter, ce n'est pas un titre extrait de l'album de la semaine, mais un titre qui figure sur le livre disque de 2016, un titre inédit qui est ressorti pour l'occasion. C'est le titre « Je suis né juste mort », une composition de Alice Donna et de Serge Lama. Il y a partout des traces de toi. Un vieux jean oublié, un parfum qui s'envole. Et j'entends déjà revenir de l'école cet enfant dont tu disais parfois qu'il me ressemblait. Je suis nu, je suis mort. Mes mains s'ouvrent, mes mains se tendent. C'est bien ce qu'elle te demande. La nuit quand je m'endors. Je suis nu, je suis mort. Mes mains s'ouvrent, mes mains se tendent. Et tu sais bien ce qu'elles attendent. Elles s'ennuient chaque nuit sans ton cœur. Il y a partout des traces de toi. Un livre commencé, tu aimais si peu lire. Et j'entends chanter dans mon délire cette voix que tu avais lorsque tu t'abandonnais. Je suis nu, je suis mort. Mes mains s'ouvrent, mes mains se tendent. Tu sais bien ce qu'elles te demandent. La nuit quand je m'endors. Je suis nu, je suis mort. Mes mains s'ouvrent, mes mains se tendent. Et tu sais bien ce qu'elles attendent. Elles s'ennuient chaque nuit sans ton cœur. Il y a partout des traces de toi. Dans mon pas hésitant, chaque soir quand je rentre. Et ce mal qui déchire mon ventre. Avant de tourner la clé, je me prends à espérer. Je suis nu, je suis mort. Mes mains s'ouvrent, mes mains se tendent. Tu sais bien ce qu'elle te demande. La nuit quand je m'endors. Je suis nu, je suis mort. Mes mains se tordent sans comprendre. Je voudrais réchauffer les cendres de l'hiver, de l'enfer, de la mort. Mais je suis né, je suis mort. Je suis mort, je suis né, je suis nu. Je suis mort, je suis mort, je suis né, je suis mort. Je suis nu, je suis mort, extrait donc des sessions d'enregistrement de l'album Derrière l'amour en 1976. Et à présent, on va retrouver John Hallyday et Michel Drucker lors des répétitions du Palais des Sports 1976. Ce spectacle va demander de la part de sa vedette un effort physique important. Est-ce que physiquement vous vous sentez bien? Parce que vous, plus que les autres, c'est important. Et non pas parce que vous êtes au Palais des Sports. Mais... Physiquement, oui. Enfin, j'ai quelques ennuis. Mais enfin, ce sont des ennuis qui peuvent arriver à tout le monde. Il est assez fatigant parce que d'abord, c'est la première fois que je fais récital. Je fais première et deuxième partie. Ça fait 2 heures sur scène, au moins. Oui, un peu plus d'ailleurs. Première partie, enfin, disons 2h30 en tout. Il y a, bon, évidemment, il y a des scènes une scène de bagarre que je fais avec des cascadeurs sur scène. On a répété, sans bien connaître les coups, enfin, exactement où tomber, comment tomber. On a, un peu forcé la dose il y a quelques jours. Alors je me suis cassé une côte, je me suis cassé le nez. Une paille, quoi. Et puis, finalement, pour me faire opérer, il faut que j'attende la fin du Palais des Sports. Là, on va le faire comme ça. De toute façon, ça, c'est pas grave. Mais on fera le spectacle quand même, et on le fera bien. Ouais. Enfin, on essaiera de le faire le mieux possible. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retrouvons un extrait de l'album de la semaine, Né pour vivre sans amour, sur le thème de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. John a aidé au Palais des Sports de Paris en 1976. Vous êtes... Alors j'aimerais quand même vous dire que vous êtes formidable ce soir. Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Ne me parlez plus d'amour, j'ai peur de ne plus y croire. Une cœur à l'abandon, il n'y a rien laissé. je dis je t'aime dans mes chansons. Mais je sais que je suis né pour vivre sans amour, pour vivre sans amour jusqu'au dernier dernier jour. Moi, je vivrai sans amour. Et ces filles qui crie mon nom au milieu des bravos ne m'en font que mes chansons et n'embrassent que mes photos. Et dans cette guerre d'amour, j'étais trop blessé. Et si je l'aime toujours, je sais bien que je suis né pour vivre sans amour, pour vivre sans amour jusqu'au dernier dernier jour. Moi, je vivrai sans amour. Je vivrai sans amour. Mais pour vivre sans amour, avant tout et pour toujours, c'est une merveilleuse ballade. C'est Michel Mallory qui signe les paroles sur une musique de Johnny. Et quand les deux complices se retrouvent, on voit bien de quoi ils parlent. L'Amérique, les grosses cylindrées, les routes qui filent vers l'horizon et les Paul Lawson Cowboys sans femme et sans amis. Et donc dans tout ça, dans tous ces titres que nous avons pu écouter, sont la loi qu'impose l'album Derrière l'amour. Johnny Hallyday sera désormais tout public, tout style. Il chantera pour les rockers, il chantera pour les amateurs de petites bulles plus légères. Il chantera dur, il chantera tendre et ne se refusera jamais la permission d'aborder aucun monde musical. Voici maintenant un extrait de retrouvé sur les bandes d'enregistrement de Johnny Hallyday, sur les bandes de session d'enregistrement de Derrière l'amour, une version alternative des Requiem pour un fou en version studio. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud, je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans aide. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais par amour, je suis devenu. Qu'un grand amour vive neuf, la nuit pâlit. Les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets. Crevez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Comme on le sait, c'est l'équipe Sardou qui a piloté Mick Jones et l'idée sur les rails du succès de cette entreprise. Les frères Tallard d'abord, qui via leur édition et leur studio ont réuni ces sept successions de perles. Et puis parce que se distingue ici Jacques Revaux, le compositeur de Michel Sardou, dont le son capiteux et les mélodies rondes planent sur l'ensemble de cette production. Précédé par une belle cohorte de tubes, l'album Derrière l'amour sort le 30 juin 1976. Au milieu de l'été, il est déjà disque d'or, 10 ans que Johnny n'avait pas connu un tel plébiscite pour un de ses disques. On peut imaginer qu'au moment où l'attend le grand rendez-vous du Palais des Sports, la bonne nouvelle est un cadeau du ciel. Johnny a dû se dire qu'il aurait été bien bête de rester aux Amériques à bouquiner au bord d'une piscine. Il n'aura, solide au passage, échappé à personne qu'au moins 4 titres de l'album Derrière l'amour n'ont jamais, à un moment ou à un autre, quitté le répertoire de l'idole. Ce qui prouve, jusqu'à 2017, que non seulement ce disque a bien fait des miracles, mais qu'en plus, il a résisté aux injures du temps. Nous allons écouter une dernière interview de Johnny Hallyday. C'était le 2 octobre 1976 dans l'émission 7 jours sur Antenne 2. Une interview sur le Palais des Sports pour le Palais des Sports de Paris de 1976. 5 ans absent de la scène à Paris, une rentrée au Palais des Sports absolument triomphale. Johnny garde ses lunettes parce qu'il a eu un choc lors de la représentation de mercredi soir, je crois. Et bon, et puis vous l'excusez parce que des lunettes de soleil, ça va bien dans le personnage de Johnny de toute façon. Alors je vais essayer quand même de le faire rougir de modestie en citant les dernières des critiques parues sur son spectacle. Donc il faut remonter à très loin, à traîner plus récemment à Brassens pour avoir un concert aussi dithyrambique après le passage d'une vedette au music hall. Il a trouvé, Johnny Hallyday, la formule idéale. Il satisfait ses inconditionnels et les autres. Superstar, une sorte de quatrième dimension dans le spectacle. Un maître à son genre dont la classe n'est plus inventée. Un tribun persuasif, puissance formidable de ce raz-de-marée. Bon, Johnny, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai cité des journaux aussi divers que Le Figaro, qui n'a pas un public de lecteurs en blue jean, pourtant. Alors, vous êtes récupéré par une certaine presse, un certain public? Vous avez changé ou ce sont les gens qui ont changé à votre égard? Je ne sais pas, je suis... D'ailleurs, je suis le premier surpris. Ça fait plaisir, quand même. Bien sûr, enfin, je peux dire ça fait toujours plaisir, oui. Je voudrais dire que j'ai en général toujours eu de très mauvaises critiques, surtout à Paris. Et c'est vrai, c'est la première fois où j'ai des très bonnes critiques, absolument dithyrambiques. C'est pour ça, c'est parce que la critique était méchante que vous n'avez pas fait de première cette année? Ah non, pas du tout, non. Non, j'ai pas fait de première parce que d'abord, le Palais des Sports est une salle très difficile pour faire une première. Parce que c'est une trop grande salle, ça comptait à quand même 5000 personnes. Et je considère que dans le genre de spectacle que je fais, ça ne rend pas pareil quand on fait une première et que ce n'est pas un public qui vient pour voir un artiste. Alors j'ai préféré inviter quelques journalistes, quelques critiques, quelques amis à moi au cours d'une représentation normale pour qu'ils se retrouvent, disons, dans l'ambiance qui, disons, est plus exacte pour pouvoir juger un spectacle que lors d'une première où finalement ce sont tous les gens de Paris qui viennent et où c'est difficile à reconstituer une espèce de, disons, de communion avec un public, parce que finalement mon spectacle est aussi très important également avec le contact que j'ai avec le public. D'ailleurs, c'est un problème pour toutes les premières et pour toutes les formes de théâtre et de show business. Alors, posons-nous une autre question. Est-ce que pour être reconnu comme vous l'êtes aujourd'hui, dans le show business, il faut avoir mûri? Vous êtes arrêté 5 ans. Pourquoi 5 ans à Paris sur des récitals? Je me suis arrêté 5 ans parce que je n'avais plus rien à dire. Si j'ai arrêté l'année dernière de chanter pendant un an, d'ailleurs je pensais m'arrêter plus longtemps et puis je me suis ennuyé finalement au bout de 2 mois, c'était parce que j'avais plus rien à dire, ça devenait presque une corvée de m'aller sur scène, j'étais fatigué. Et 73 ressemblait à 72 et à 71. Oui, je n'avais plus d'idée pour essayer de faire quelque chose de nouveau, il fallait que je m'arrête, il fallait que je fasse, disons, un retour sur moi-même et que je me comprenne d'abord moi et que j'essaye de comprendre pourquoi j'en avais assez. Et puis finalement ça m'a fait du bien puisque ça m'a donné envie de travailler, ça m'a permis enfin ça m'a donné surtout l'envie de retourner sur scène et de faire quelque chose de nouveau. Je pense que, je ne dis pas que la formule, que je suis différent sur scène, simplement c'est que peut-être aussi c'est que j'ai envie d'aller sur scène, je suis heureux d'y être. Je suis heureux d'en trouver mon public et puis peut-être que ça se sent aussi. Et tout le monde le sent certainement. Ouais. Et il y a aussi des moyens considérables dans ce spectacle du Palais des Sports. Alors ça nous amène sous un autre angle qui est qu'économiquement c'est peut-être pas très rentable ce que vous faites. Ça revient très cher et ça ne rapporte pas ce que ça pourrait rapporter. Vous perdez de l'argent, dit-on. Écoutez, le Palais des Sports à peu près, hein, revient à peu près dans les 400 millions anciens. Et de toute façon, le Palais des Sports, s'il est plein jusqu'au 31 octobre, je suis obligé de toute façon de perdre dans les 20 millions parce que le Palais des Sports plein ne peut pas faire plus qu'une certaine recette. Mais ça m'est égal parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire et des fois on a besoin dans la vie de faire ce qu'on a envie. On écoute La Fille de l'été dernier, telle que vous la chantiez mercredi soir sur la scène des Palais des Sports, telle que vous la chanterez tout à l'heure puisque vous avez une matinée, une soirée aujourd'hui et encore une matinée demain. Merci d'être venu. Merci. Dans tout cet emploi du temps. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Voici le dernier extrait, live. Déjà, voici Rendez-vous en enfer, extrait de l'album de la semaine Derrière l'amour. Et après, suivra La Terre promise. Vous écoutez toujours RIG et l'émission Johnny de A à Z, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Johnny Hallyday à l'antenne.

ceux qui aiment le rock and roll et qui ne sont pas trop vieux et qui n'ont pas peur de s'amuser. Je ne sais pas m'arrêter. Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais oui que passer. Oh oui, je suis chez moi, là où on m'aime. Hier ailleurs, je suis un étranger. Le train s'entraîne de ville en ville, je finirai bien par trouver une autre ville, un autre hôtel et une autre fille à aimer. Et je ne me souviens plus d'elle, et son nom je l'ai oublié. Oh oui, je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. Et puis si je mets en ma chemise, si je peux trouver l'amour. Ouais. Sur les routes du monde entier. Et j'ai chanté plus de chansons que vous en avez écoutées. Tour toujours après l'amour et la vie va me rattraper. Puis si je perds ma chemise, si je peux trouver l'amour. De solitude en solitude, je finirai bien par trouver une autre ville, une autre terre où je pourrais parler par jour. La vie est la terre promise, c'est quand je cours après depuis toujours. Non plus si j'y perds ma chemise, si je peux trouver l'amour. Thank you. brûle sous mes pieds. Je ne sais pas marcher. Le pays où mes chansons m'entraînent et je ne fais rien qu'en passer. Si chez moi là où on m'aime, ailleurs je suis un étranger. La terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. Ouais. Chef cette émission, Johnny de A à Z, la numéro 563, avec l'album de la semaine Derrière l'amour et l'actualité de Johnny Hallyday autour de cet album Derrière l'amour, et ainsi que le Palais des Sports de 1976. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, d'avoir participé, et puis d'être aussi, toujours aussi fidèle à cette émission Johnny de A à Z. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro ici sur RIG. A très vite, bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao!